Bonjour à tous, je suis Lucie Fongfeizhan en classe de première 3 et je vais vous présenter un podcast au sujet d'un artiste chinois, Ai Weiwei. Je vais d'abord vous présenter qui est cette personne et je vous ferai ensuite une analyse d'une de ses œuvres. Ai Weiwei est un sculpteur, performeur, photographe, architecte, commissaire d'exposition et blogueur chinois né à Pékin le 28 août 1957. Il est toujours en vie et son courant artistique est l'art conceptuel, un mouvement de l'art contemporain apparu dans les années 1960. Mais qu'est-ce que l'art conceptuel? Ses origines remontent au ready-made de Marcel Duchamp au début du XXe siècle. Cet art ne serait pas défini par les propriétés esthétiques des objets ou des œuvres, mais uniquement par le concept ou l'idée de l'art. Revenons-en à Ai Weiwei. Il est un artiste majeur de la scène artistique chinoise, connu pour son art à la fois provocatrice et politique. Il en est même à la figure de l'opposition au pouvoir de l'emblème de la liberté d'expression en Chine, étant aussi l'un des 303 intellectuels chinois à avoir signé la charte 08. Il a déjà ouvertement critiqué la position du gouvernement chinois sur la démocratie et les droits de l'homme. Il a été formé dans de nombreuses académies et universités telles que l'Académie de cinéma de Pékin, l'Université de Pennsylvanie, l'Université de Californie à Berkeley, Parsons New School for Design et Art Students League of New York. Lorsqu'il était enfant, et comme toute sa famille, il accompagnera en 1959 son père, Ai Qing, poète et intellectuel, en camp de rééducation pendant près de 20 ans. En 1981, il part à New York et fréquente un temps une classe de peinture à la Parsons School of Design, et étudie l'art occidental. Il est fasciné par les œuvres de Marcel Duchamp et Andy Warhol et se consacre à la création artistique, peinture, détournement d'objets, performances et pratiques photographiques où il vit. Ses centres d'intérêt deviennent plus sombres à partir de 1988, axés sur les scènes de manifestations et de répression. Il sera marqué et affecté par les massacres de Tiananmen. Il rentrera à Pékin en 1993 dû à la maladie de son père. Ai Weiwei cherche à mêler art et vie, affirmer la liberté d'expression. Il se montre provocateur dans ses œuvres tout en faisant réfléchir, ce qui lui donne du succès. Non seulement ça, mais il développe un regard critique sur la politique chinoise et s'oppose au symbole du pouvoir établi. En 1997, il fonde le CAAW, voulant dire China Arts Archive and Warehouse, traduit en français par une galerie et archive de l'art contemporain chinois pour contribuer au développement de l'art contemporain en Chine. En 1999, il ouvre son propre atelier à Kaokandi et participe à la 48e biennale de Venise. L'une de ses œuvres que je vais vous présenter s'appelle Dropping a Dynasty Urn, traduit en français par Laisser tomber par terre une urne de la dynastie Han. C'est une triptyque de 166 cm de longueur sur 150 cm de largeur pour chaque photo. L'artiste, dans une séquence narrative, présente trois photos d'autoportraits, nous montrant de manière délibérée et avec un regard décidé de laisser tomber une antiquité chinoise de près de 2000 ans pour qu'elle se brise. L'effet de ces trois photographies alignées l'une derrière l'autre rappelle l'animation de type stop motion. Il avait réalisé des premières photos, mais il n'était pas satisfait du résultat, et il a dû en briser un second. On peut y voir au centre Ai Weiwei avec l'urne antique, et à l'arrière-plan un mur. Ce n'est pas la présentation de l'œuvre le plus important, mais le message. C'est la caractéristique principale de l'art conceptuel. Le message derrière cette action provocatrice est celle d'un homme se libérant du passé culturel chinois en la réutilisant. Ce geste a été repris et utilisé par de nombreux artistes, comme par exemple Ray de Yassine et Thomas Haller, devenant une œuvre iconique.